clash. L'homme des bégois d'Aléton son gueule. Madame Rache, tu parles de clash. Range des platines sans bois, tu vois pas que tu fais tâche. Tu parles de clash. Mais tu parles derrière mon dos, tu n'es qu'un sale lâche. Tu parles de clash. Tu joues le dur, le bas de l'OM, mais en fait tu n'es qu'un lâche. Quand tu prends le micro, c'est pour accomplir ta sale tâche. Critiquer les amis, tu les fais de manière efficace. Continue sans boy, t'auras tellement sur tes traces. Ta basse reste telle que pour moi elle reste inefficace. Tu crois que je suis dead, mais pour toi je reste une menace. T'as voulu me tester sur le ring, mais tu perds la face. Appelle les pompiers, tu brûles, ne reste pas sur place. Boum. Tu parles de clash. L'ombre des bigwells d'Annie, ton son gueule. Madame Rache, tu parles de clash. Range tes platines sans boîte, tu vois pas que tu fais tâche. Boum. Tu parles de clash. Mais tu parles derrière mon dos, tu n'es qu'un sale lâche. Tu parles de clash. Ah bon? Tu n'as pas la peine d'essayer, regarde ton son des bien rouillé. T'as voulu nous tester, mais tu t'es pris une des culottes. Un effet tel une bombe, je vois ton visage se consumer. Tu n'as pas que tu mérites, maintenant il va falloir assumer. Ton discours est inutile, alors évite de polémiquer. T'as voulu me la mettre, mais au final tu t'es fait. Les hypocrites, je les choune, mais que je n'ai pas pitché. À l'avenir, ne viens pas tester si tu es périmé. Tu peux pas tester. Tu peux pas bluffer. Tu peux pas clasher. Trace ta route ou on va t'éliminer. Madame Mister, tu peux pas tester. Tu peux pas lutter. Tu peux pas bluffer. Trace ta route ou on va t'éliminer. Tu parles de clash. L'ombre des bégois d'aller ton son gueule. Madame Rache, tu parles de clash. Range tes platines sans boîte, tu vois pas que tu fais tâche. Boum. Tu parles de clash. Mais tu parles derrière mon dos, tu n'es qu'un sale lâche. Hey. Tu parles de clash. On est meuda. Pour les brovas et les cistas, on est meuda. On vient représenter le 8-3, on est meuda. Ici original, la talpa, on est meuda. On est meuda, on est meuda. Pour tous les bad boys qui sont en bas, on est meuda. La musique on la lâchera pas, on est meuda. Appelle-moi raga, me file soldat, on est meuda. On est meuda. Oh yeah, oh yeah, oh viens pas te tester. Oh yeah, oh yeah, oh viens pas bluffer mais. Oh yeah, oh yeah, oh viens pas te lâcher c'est. Tu pourrais le regretter. Oh yeah, oh yeah, oh viens pas tester mais. Oh yeah, oh yeah, oh viens pas bluffer mais. Oh yeah, oh yeah, oh viens pas te lâcher c'est. Tu pourrais le regretter. On est meuda. Pour les brovas et les cistas, on est meuda. On vient représenter le 8-3, on est meuda. Ici original, la talpa, on est meuda. On est meuda, on est meuda. Pour tous les bad boys qui sont en bas, on est meuda. La musique, on la lâchera pas, on est meuda. Appelle-moi raga, me file soldat, on est meuda. On est meuda.